Grand 5. Dans les commencements de ma liaison avec sa mère, reprit le comte de Ravilla, j'avais eu avec cette petite fille toutes les familiarités caressantes qu'on a avec tous les enfants. Je lui apportais des sacs de dragées, je l'appelais petite masque, et très souvent, en causant avec sa mère, je m'amusais à lui lisser son bandeau sur la tempe, un bandeau de cheveux malade noir, avec des reflets d'amadou. Mais la petite masque, dont la grande bouche avait un joli sourire pour tout le monde, recueillait, repliait son sourire pour moi, fronçait âprement ses sourcils, et à force de se crisper devenait d'une petite masque un vrai masque ridé de cariatide humilié, qui semblait, comme ma main passait sur son front, porter le poids d'un entablement sous ma main. Aussi bien, en voyant cette maussaderie toujours retrouvée à la même place, et qui semblait une hostilité, j'avais fini par laisser là cette sensitive couleur de souci qui se rétractait si violemment au contact de la moindre caresse. Et je ne lui parlais même plus. « Elle sent bien que vous la volez, » me disait la marquise. « Son instinct lui dit que vous lui prenez une portion de l'amour de sa mère. » Et quelquefois, elle ajoutait dans sa droiture, « C'est ma conscience que cet enfant, et mon remords sa jalousie. » Un jour, ayant voulu l'interroger sur cet éloignement profond qu'elle avait pour moi, la marquise n'en avait obtenu que ses réponses brisées, têtues, stupides, qu'il faut tirer avec un tire-bouchon d'interrogations répétées, de tous les enfants qui ne veulent rien dire. « Je n'ai rien, je ne sais rien. » Et voyant la dureté de ce petit bronze, elle avait cessé de lui faire des questions, et de lassitude, elle s'était détournée. J'ai oublié de vous dire que cet enfant bizarre était très dévote, d'une dévotion sombre, espagnole, Moyen-Âge, superstitieuse. Elle tordait autour de son maigre corps toutes sortes de scapulaires, et se plaquait sur sa poitrine, unie comme le dos de la main, et autour de son cou bistré des tas de croix, de bonne vierge et de Saint-Esprit. « Vous êtes malheureusement un impie, » me disait la marquise. « Un jour, en causant, vous l'aurez peut-être scandalisé. Faites attention à tout ce que vous dites au-devant d'elle. Je vous en supplie. N'aggravez pas mes torts aux yeux de cet enfant envers qui je me sens déjà si coupable. Puis, comme la conduite de cette petite ne changeait point, ne se modifiait point, vous finirez par la haïr, » ajoutait la marquise inquiète. « Et je ne pourrais pas vous en vouloir. » Mais elle se trompait. Je n'étais qu'indifférent pour cette maussade fillette quand elle ne m'impatientait pas. J'avais mis entre nous la politesse qu'on a entre grandes personnes, et entre grandes personnes qui ne s'aiment point. Je la traitais avec cérémonie, l'appelant gros comme le bras, ma demoiselle, et elle me renvoyait à un monsieur glacial. Elle ne voulait rien faire devant moi qui pût la mettre, je ne dis pas en valeur, mais seulement en dehors d'elle-même. Jamais sa mère ne put la décider de me montrer un de ses dessins, ni à jouer devant moi un air de piano. Quand je l'y surprenais, étudiant avec beaucoup d'ardeur et d'attention, elle s'arrêtait court, se levait du tabouret et ne jouait plus. Une seule fois sa mère l'exigeant, il y avait du monde, elle se plaça devant l'instrument ouvert avec un de ses airs victimes, qui, je vous l'assure, n'avait rien de doux, et elle commença je ne sais quelle partition avec des doigts abominablement contrariés. J'étais debout à la cheminée, et je la regardais obliquement. Elle avait le dos tourné de mon côté, et il n'y avait pas de glace devant elle dans laquelle elle put voir que je la regardais. Tout à coup son dos, elle se tenait habituellement mal, et sa mère lui disait souvent « Si tu te tiens toujours ainsi, tu finiras par te donner une maladie de poitrine. » Tout à coup son dos se redressa comme si je lui avais cassé l'épine dorsale, avec mon regard, comme avec une balle, et abattant violemment le couvercle du piano, qui fit un bruit effroyable, en tombant, elle se sauva du salon. On alla la chercher, mais ce soir-là, on ne put jamais l'y faire revenir. Eh bien, il paraît que les hommes les plus fats ne le sont jamais assez, car la conduite de cette ténébreuse enfant, qui m'intéressait si peu, ne me donna rien à penser sur le sentiment qu'elle avait pour moi, sa mère non plus. Sa mère, qui était jalouse de toutes les femmes de son salon, ne fut pas plus jalouse que j'en étais fat avec cette petite fille, qui finit par se révéler dans un de ces fêtes que la marquise, l'expansion même dans l'intimité, parle encore de la terreur qu'elle avait ressentie, et riant aux éclats de l'avoir éprouvée, eut l'imprudence de me raconter. Il avait souligné, par inflexion, le mot d'imprudence, comme eût fait le plus habile acteur, et en homme qui savait que tout l'intérêt de son histoire ne tenait plus qu'au fil de ce mot-là. Mais cela suffisait apparemment, car ces 12 beaux visages de femmes s'étaient renflammés d'un sentiment aussi intense que les visages des chérubins devant le trône de Dieu. Est-ce que le sentiment de la curiosité chez les femmes n'est pas aussi intense que le sentiment de l'adoration chez les anges? Lui les regarda tous, ces visages de chérubins qui ne finissaient pas aux épaules. Il les trouvant à point, sans doute, pour ce qu'il avait à leur dire, il reprit vite et ne s'arrêta plus. Oui, elle riait aux éclats, la marquise, rien que d'y penser. me dit-elle à quelque temps de là, lorsqu'elle me rapporta la chose, mais elle n'avait toujours pas ri. « Figurez-vous, me conta-t-elle, je tâcherai de me rappeler ses propres paroles, que j'étais assise là, où nous sommes maintenant. C'était sur une de ces causeuses qu'on appelait des dos à dos, le meuble le mieux inventé pour se bouder et se raccommoder sans changer de place. Mais vous n'étiez pas où, vous voilà, heureusement, quand on m'annonça « devinez qui ?» Vous ne le devineriez jamais, monsieur le curé de Saint-Germain-des-Prés. Le connaissez-vous ? Non, vous n'allez jamais à la messe, ce qui est très mal. Comment pourriez-vous donc connaître ce pauvre vieux curé qui est un saint, et qui ne met le pied chez aucune femme de sa paroisse, sinon quand il s'agit d'une quête pour ses pauvres ou pour son église ? Je crus tout d'abord que c'était pour cela qu'il venait. Il avait dans le temps fait faire sa première communion à ma fille, et elle, qui communiait souvent, l'avait gardé pour confesseur. Pour cette raison, bien des fois, depuis ce temps-là, je l'avais invité à dîner, mais en vain. Quand il entra, il était extrêmement troublé, et je vis sur ses traits, d'ordinaire si placides, un embarras si peu dissimulé et si grand qu'il me fut impossible de le mettre sur le compte de la timidité toute seule, et que je ne pus m'empêcher de lui dire pour première parole « Eh, mon Dieu, qu'y a-t-il, monsieur le curé ?»« Il y a, me dit-il, madame, que vous voyez l'homme le plus embarrassé qu'il ait au monde. » Voilà plus de 50 ans que je suis dans le saint ministère, et je n'ai jamais été chargé d'une commission plus délicate, et que je compris ce moins que celle que je n'ai à vous faire. » Et il s'assit, me demanda de faire fermer ma porte tout le temps de notre entretien. Vous sentez bien que toutes ces solennités m'effrayaient un peu. Il s'en aperçut. « Ne vous effrayez pas à ce point, madame, reprit-il. Vous avez besoin de tout votre sang-froid, pour m'écouter et pour me faire comprendre à moi la chose inouïe dont il s'agit. » Et qu'en vérité je ne puis admettre. Mademoiselle, votre fille, de la part de qui je viens, est, vous le savez comme moi, un ange de pureté et de piété. Je connais son âme, je la tiens dans mes mains depuis son âge de 7 ans, et je suis persuadé qu'elle se trompe, à force d'innocence peut-être. Mais ce matin, elle est venue me déclarer en confession qu'elle était, vous ne le croirez pas, madame, ni moi non plus, mais il faut bien dire le mot, enceinte. Je poussai un cri. J'en ai poussé un comme vous dans mon confessionnal. Ce matin, reprit le curé, à cette déclaration faite par elle avec toutes les marques du désespoir le plus sincère et le plus affreux. Je sais à fond cet enfant. Elle ignore tout de la vie et du péché. C'est certainement de toutes les jeunes filles que je confesse, celle dont je répondrai le plus devant Dieu. Voilà tout ce que je puis vous dire. Nous sommes, nous autres prêtres, les chirurgiens des âmes, et il nous faut les accoucher des hontes qu'elles dissimulent, avec des mains qui ne les blessent ni ne les tâchent. Je l'ai donc, avec toutes les précautions possibles, interrogée, questionnée, pressée de questions. Cet enfant au désespoir, mais qui, une fois la chose dite, la faute avouée, qu'elle appelle un crime et sa damnation éternelle, car elle se croit damnée, la pauvre fille, ne m'a plus répondu et s'est obstinément renfermée dans un silence qu'elle n'a rompu que pour me supplier de venir vous trouver, madame, et de vous apprendre son crime, car il faut bien que maman le sache, a-t-elle dit, et jamais je n'aurai la force de le lui avouer. J'écoutais le curé de Saint-Germain-des-Prés. Vous vous doutez bien avec quel mélange de stupéfaction et d'anxiété, comme lui et encore plus que lui, je croyais être sûr de l'innocence de ma fille. Mais les innocents tombent souvent, même par innocence. Et ce qu'elle avait dit à son confesseur n'était pas impossible. Je n'y croyais pas, je ne voulais pas y croire. Mais cependant, ce n'était pas impossible. Elle n'avait que 13 ans, mais elle était une femme, et cette précocité même m'avait effrayé. Une fièvre, un transport de curiosité me saisit. « Je veux et je vais tout savoir, » dis-je à ce bonhomme de prêtre, ahuri devant moi, et qui, en m'écoutant, débordait d'embarras son chapeau. « Laissez-moi, monsieur le curé, elle ne parlerait pas devant vous. Mais je suis sûr qu'elle me dira tout, que je lui arracherai tout, et que nous comprendrons alors ce qui est maintenant incompréhensible. » Et le prêtre s'en alla là-dessus, et dès qu'il fut parti, je montai chez ma fille, n'ayant pas la patience de la faire demander et de l'attendre. Je la trouvais devant le crucifix de son lit, pas agenouillée, mais prosternée, pâle comme une morte, les yeux secs mais très rouges, comme des yeux qui ont beaucoup pleuré. Je la pris dans mes bras, l'assis près de moi, puis sur mes genoux, et je lui dis que je ne pouvais pas croire ce que venait de m'apprendre son confesseur. Mais elle m'interrompit pour m'assurer avec des navrements de voix et de physionomie que c'était vrai, ce qu'il avait dit. Et c'est alors que, de plus en plus inquiète et étonnée, je lui demandai le nom de celui qui... Je n'achevais pas. Ah, ce fut le moment terrible. Elle se cacha la tête et le visage sur mon épaule, mais je voyais le ton de feu de son cou par derrière. Je la sentais frissonner. Le silence qu'elle avait opposé à son confesseur, elle me l'opposa. C'était un mur. « Il faut que ce soit quelqu'un de bien au-dessous de toi, puisque tu as tant de honte. lui dis-je pour la faire parler en la révoltant, car je la savais orgueilleuse. Mais c'était toujours le même silence, le même engloutissement de sa tête sur mon épaule. Cela dura un temps qui me parut infini, quand tout à coup elle me dit sans se soulever, « Jure-moi que tu me pardonneras, maman. » Je lui dis tout ce qu'elle voulut au risque d'être 100 fois parjure. Je m'en souciais bien, je m'impatientais, je bouillais. Il me semblait que mon front allait éclater et laisser échapper ma cervelle. « Eh bien, c'est monsieur de Ravila, » fit-elle d'une voix basse, et elle resta comme elle était dans mes bras. Ah, l'effet de ce nom, Amédée, je recevais d'un seul coup, en plein cœur, la punition de la grande faute de ma vie. « Vous êtes en fait de femme un homme si terrible. Vous m'avez fait craindre de telles rivalités, que l'horrible « pourquoi pas » dit à propos de l'homme qu'on aime et dont on doute cela va en moi. Ce que j'éprouvais, j'eus la force de le cacher à cette cruelle enfant, qui avait peut-être deviné l'amour de sa mère. « Monsieur de Ravila, » fis-je avec une voix qui me semblait dire tout, « mais tu ne lui parles jamais. Tu le fuis, » j'allais ajouter, car la colère commençait, je la sentais venir. « Vous êtes donc bien fous tous les deux. » Mais je réprimais cela. Ne fallait-il pas que je susse les détails, un par un, de cette horrible séduction? Et je les lui demandais avec une douceur dont je crus mourir, quand elle m'ôta de cet étau, de ce supplice, en me disant naïvement, « Mère, c'était un soir. Il était dans le grand fauteuil qui est au coin de la cheminée en face de la causeuse. Il y resta longtemps. Puis il se leva, et moi j'eus le malheur d'aller m'asseoir après lui dans ce fauteuil qu'il avait quitté. Oh, maman! C'est comme si j'étais tombé dans le feu. Je voulais me lever, je ne pus pas. Le cœur me manqua, et je sentis, tiens, là, maman, ce que j'avais, c'était un enfant. » La marquise avait ri, dit Ravila, quand elle lui avait raconté cette histoire. Mais aucune des 12 femmes qui étaient autour de cette table ne songea à rire, ni Ravila non plus. « Et voilà, mesdames, croyez-le si vous voulez, » ajouta-t-il en forme de conclusion, « le plus bel amour que j'ai inspiré de ma vie. » Et il se tut, elles aussi, elles étaient pensives. L'avait-elle compris? Lorsque Joseph était esclave chez Madame Putiphar, il était si beau, dit le Coran, que de rêverie les femmes qu'il servait à table se coupaient les doigts avec leurs couteaux en le regardant. Mais nous ne sommes plus au temps de Joseph, et les préoccupations qu'on a au dessert sont moins fortes. Quelle grande bête, avec tout son esprit, que votre marquise, pour avoir dit pareille chose, fit la duchesse, qui se permit d'être cynique, mais qui ne se coupa rien du tout avec le couteau d'or qu'elle tenait toujours à la main. La comtesse de Chiffrevas regardait attentivement dans le fond d'un verre de vin du Rhin, en cristal émeraude, mystérieux comme sa pensée. « Et la petite masque ? » demanda-t-elle. « Oh, elle était morte, bien jeune et mariée en province. Quand sa mère me raconta cette histoire, » répondit Ravila. « Sans cela, » fit la duchesse songeuse, «